de cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Nous avons tous au fond de notre armoire un vieux pull que nous apprécions particulièrement parce qu'il a une histoire, parce qu'il est porteur de souvenirs. Nous savons aussi qu'il ne faut pas tirer sur le petit fil qui dépasse celui produit par un accroc, surtout si ce pull est en laine, au risque de le voir se détricoter maille après maille. À force de tirer sur le fil et de tirer encore, le pull redevient pelote de laine. Oui, il retrouve son état originel. Mais l'histoire n'est pas un vieux pull, au contraire, il faut tirer sur les fils. C'est le cas avec Jean-Marie Delaperche, un peintre de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe, un peintre qui n'a pas marqué l'histoire de l'art, à peine évoqué dans les dictionnaires des artistes et parfois, même le plus souvent, complètement oublié. Et puis, il y a un accroc, une découverte. Ce sont des dessins. C'est alors qu'il faut tirer sur le fil. En histoire, détricoter permet de dévoiler le passé. Une famille d'artistes, la mère, le frère. Et puis là, un autre peintre, David. L'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire soudain, la campagne de Russie, la Restauration, le retour à Paris et la Monarchie de Juillet. Une famille, un destin. Oui, en histoire, il faut tirer sur les fils pour que se dévoile le passé. Même si l'exercice est ardu pour dénouer ces fils, le chercheur, la chercheuse, en a maille à partir. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous partons à la rencontre des artistes qui sont restés confinés dans leurs musées, ces expositions perturbées par la crise sanitaire. James Tissot, l'ambigu moderne à Orsay, le folklore pour comprendre le futur au Centre Pompidou-Metz et Raphaël, le maître et ses élèves à Chantilly. Des émissions à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à un peintre dont le nom n'évoque pas grand-chose, Delaperche. Jean-Marie Delaperche. Et pourtant, à travers lui, nous construisons un monde, celui qui nous conduit sous l'Ancien Régime et qui nous fait traverser la Révolution, l'Empire, jusqu'au milieu du 19e siècle. Avec vous, Olivia Voisin, bonjour. Bonjour. Olivia Voisin, vous êtes directrice des musées d'Orléans et vous êtes commissaire d'une exposition Jean-Marie Delaperche, 1771-1843, un artiste face aux tourments de l'histoire. Olivia Voisin, nous aurions fait cette émission il y a quelques années, je vous aurais demandé, mais dites-moi, qui est Jean-Marie Delaperche? Je pense que la réponse aurait été succincte. Elle aurait été d'autant plus succincte que finalement les quelques bribes d'informations que nous avions à son sujet ne laissaient pas du tout penser qu'il avait pu avoir une quelconque importance. Certes, il est mentionné dans le Bénésite, d'abord ce dictionnaire des peintres passé un jour sur le marché. Il est mentionné dans quelques répertoires de peintres de son vivant, actifs à Paris, mais sans autre précision qu'un ou deux portraits qu'il aurait exposés au salon. Et en grattant un petit peu, on réalise que la plupart du temps, ces portraits ont été refusés. Donc, il est rapide de penser que ce peintre n'a tout simplement pas marqué son temps et fait partie de ces centaines, milliers de peintres qui se lancent dans la carrière au début du XIXe siècle, sans grand succès. Jusqu'à la découverte de 91 dessins extraordinaires, parmi vraiment les plus beaux de ce que l'on peut voir pour le début du XIXe siècle, et 4 d'entre eux portaient la signature de Jean-Marie Delaperche. Olivia Voisin, il faut nous raconter cette découverte. Elle est très récente, hein. Et surtout, bon, voilà, c'était quelque chose d'absolument inattendu. Comment cela s'est-il produit? Ça fait partie de cette magie du marché de l'art. Un jour, un marchand vous appelle en disant « j'ai des dessins à vous proposer ». On va les voir, on s'attend à tout et rien à la fois. On est très souvent sollicité. Et là, un carton à dessins m'attendait. 91 dessins, mais quand on parle de dessins, on s'attend à des crayons graphiques, toutes des choses assez succinctes. Là, c'était 91 grandes feuilles, au lavis, très travaillées, rehaussées à la gouache, toutes noires et blanches, et plus belles les unes que les autres. Et je tournais les pages, et 91, c'est long, c'est très savoureux de passer en revue tout ce qui ressemblait vraiment à une histoire du début du 19e siècle, se retrouvant en Russie. Et finalement, la question qui se pose face à de telles œuvres, c'est qui est l'artiste? Et je ne cessais de demander au marchand Emmanuel Rouchet de la Galerie Chaptal qui était cet artiste. Et il me disait « continuez », jusqu'à ce que je tombe sur un dessin signé Jean-Marie Delaperche. Ou plutôt Jean-Marie Laperche. Mais qui est ce Laperche? Et il me dit « il est d'Orléans ». Donc l'aventure ne pouvait que commencer pour nous. Et c'est pour cela qu'il vous a contacté, j'imagine, Olivia Voisin, que vous lui avez posé la question « mais d'où viennent ces dessins ?» Exactement, et ces dessins finalement, on la vit, qu'on les œuvres, peut-être à rester dans des ateliers, à passer de main en main sans que personne ne comprenne leur importance, jusqu'à ce qu'une personne pense que leur place n'est pas forcément séparée des autres et vendue sur le marché, mais peut-être tous ensemble pour comprendre de manière très cohérente qui est l'artiste, qui les a fait. Et c'est le cas d'Emmanuel Rouchet qui a fait ce choix, non pas de faire une exposition avec toutes les œuvres et de les séparer, mais de les garder unies en proposant de découvrir ce Jean-Marie de la Perche. C'est des moments rares, évidemment, dans une carrière, puisqu'on est habitué à voir de grands artistes. Le musée d'Orléans a un fonds de dessin absolument admirable, avec 12 000 feuilles, 50 000 estampes. Mais de cette qualité-là, dans une telle richesse, une telle masse aussi, 91 dessins, c'est absolument colossal, et avec des informations tellement pointues sur sa période, visiblement, il connaissait bien la Russie du côté le plus obscur, en 1812. Finalement, on se posait la question, mais qui est cet artiste ? Alors, évidemment, en prenant les répertoires, on retrouve ces quelques bribes d'informations que nous évoquions, mais à aucun moment on ne peut imaginer que l'artiste a cette qualité et se positionne à ce niveau-là de l'histoire de l'art. Et là se pose évidemment la question, comment un artiste si important a pu disparaître totalement du champ de l'histoire ? Ses dessins venaient de Russie ? Ces dessins ont été réalisés en grande partie en Russie, c'est ce qui a pu être découvert au fur et à mesure de l'enquête, puisque face à tous ces dessins que nous nous sommes empressés évidemment d'acquérir, avec l'aide du Fonds du patrimoine, également à l'aide d'un mécénat participatif qui a fédéré 125 personnes pour l'acquisition de ces dessins, eh bien, il a fallu comprendre ce que nous avions face à nous. Et par chance, Jean-Marie Delaperche a utilisé des papiers anglais pour la plupart, et pour quasiment tous filigranés, avec des dates, ce qui nous permettait déjà d'avoir une chronologie qui s'établissait, et aidée de l'iconographie de certaines feuilles, vraiment qui relate la campagne de Russie, qui relate la fin de Napoléon, qui montre son goût aussi, ses acquaintances politiques. Nous sommes face à un artiste clairement contre-révolutionnaire, très attaché à la famille royale, qui montre une aversion très prononcée pour Bonaparte, eh bien cet artiste, visiblement, avait réalisé tous ses dessins en Russie. Alors par chance, c'est là que l'histoire rejoint l'art, le nom de la Perche apparaît dans un livre. Ce sont les mémoires de Kaslan, qui, jeune militaire, se retrouve en Russie en 1812, et dans son journal, le 7 octobre, mentionne que à Moscou, il a enrôlé le fils d'un peintre français résident dans la ville, Stanislas Laperche, et ce jeune garçon qui parle polonais, français, russe et qui sera son traducteur. Et au fil des pages, nous découvrons que la fin de ce jeune garçon, de même que celle de son frère, va être tragique puisqu'ils sont retrouvés morts tous les deux en décembre à Vilnius. Olivia Voisin, voici ce dont vous disposez. Vous avez 91 dessins d'un peintre français qui n'est pas très connu. Vous découvrez dans le journal de Boniface de Castellane, le futur maréchal, une mention. Alors de ce nom qui est toujours étrange, hein, la Perche, de la Perche, on sent qu'il y a un « de » qui est arrivé, qui n'est pas une particule, hein, c'est attaché de la Perche. Et là, l'enquête commence. L'enquête que l'on connaît, hein, c'est la démarche classique de l'historien. Vous partez dans les archives. Alors, que trouvez-vous ? Qui est ce personnage ? D'où vient-il ? Alors, dans les archives, finalement, il a fallu faire un constat. Nous ne trouvions rien. De la Perche était absolument absent. Donc, il a fallu partir dans d'autres archives, celles qui, finalement, constituent la vie d'une personne qui va laisser des traces de sa naissance à sa mort. Et c'est par ce biais-là qu'on peut le suivre. Tout d'abord, d'Orléans à Paris, où sa mère s'installe avec son père en 1778, jusqu'en Normandie, où il échoue sous la Révolution, puis en Russie, où il part, visiblement au début de l'année 1805, comme peintre en miniature. Nouvel indice, cet artiste que nous connaissons via des dessins, mais une fois de plus, nous parlons de très grandes feuilles, qui sont des petits tableaux, finalement, dans la terminologie de l'époque, qui est sensiblement plus connu pour des portraits, visiblement, de son vivant, là, part comme peintre en miniature. Donc, nous sommes face à un artiste très, très complexe, à la personnalité difficile à saisir, et au milieu de toutes ces informations, on en trouve une autre décisive pour comprendre sa construction, Il est élève de David. Donc finalement, cet artiste laissait peu de traces sur son chemin. C'était une fois de plus un signe distinctif qui allait complètement émailler la recherche le concernant, puisque c'est finalement une sorte de fantôme qui traverse le temps, qui va mourir à l'âge de 72 ans en 1843, et qui ne laissera que de petites bribes, notamment lors de la naissance de ses enfants. Les mariages, les décès, les naissances vont être les principales sources à notre disposition. Alors, on découvre ainsi qu'en 1793, il épouse une jeune femme à Paris. Il est alors peintre de la ville de Paris. En 96, elle décède et il se remarie aussitôt à une jeune femme près de Versailles. Et par la suite, va voir plusieurs naissances qui vont se faire à Alençon, à Caen. Donc, on comprend qu'à partir de 1797, il déménage de Paris vers la Normandie, qui va de tout temps rester une terre d'attache, assez incompréhensible, puisqu'on ne lui connaît pas réellement de famille, on ne lui connaît pas de contrat, on ne lui connaît pas de revenus, on ne lui connaît pas de protecteur, mais c'est en Normandie, sans cesse, avant son départ en Russie, qui aura lieu en 1805, ou après son retour en 1824, c'est là, en Normandie, qu'il va trouver visiblement des commanditaires qui vont lui fournir du travail, travail que nous n'avons pas pu retrouver. Donc c'est vraiment un peintre de l'ombre qui part par la suite en 1805, donc en Russie, en laissant une trace, non pas dans les archives qui pourraient être liées à son départ, mais dans le cadre d'une procuration qu'il va signer à la fin de l'année 1805, en octobre, en précisant qu'il vit à Moscou, où il est peintre en miniature. Olivia Voisin, alors quant à son goût pour la Normandie, le Normand que je suis, vous répondrez que c'est que la région est sublime, c'est sans doute pour ça qu'il s'y est installé, mais malgré tout, les archives nous donnent des indications sur un acte de naissance, sur un registre de baptême, il y a le nom du papa et de la maman. Et là, l'historien d'art, l'historienne de l'art, repère tout de suite que le nom de la maman, notamment, n'est pas un nom insignifiant pour être la mère d'un artiste, puisque elle-même est artiste, c'est Thérèse. Alors Thérèse Laperche, parce que enfin Laperche, le 2 arrive un peu plus tard. Le 2 arrive un petit peu plus tard, et c'est là une histoire assez amusante de l'arrivée, des disparitions de ce 2. En effet, les parents de Jean-Marie de Laperche s'appellent Laperche. Sa mère, Thérèse Le Prince, est une personnalité que nous connaissions déjà un petit peu, puisque c'est une artiste orléanaise qui a vécu dans le giron de Jean-Baptiste Perronneau, qui était le grand pastelliste de l'époque, qui a régulièrement séjourné à Orléans. Il était très ami avec Aignan Thomas Desfriches, un des grands collectionneurs de son temps, qui lui a trouvé très régulièrement du travail à Orléans. Et donc, il faut imaginer cette Thérèse Le Prince qui a 20 ans et qui souhaite devenir artiste et idolâtre ce Perronneau, auprès de qui elle a sans doute appris les rudiments du pastel. Et on comprend dans les quelques œuvres que nous connaissons d'elle que, au départ, elle a cherché à imiter cet artiste. Eh bien, Thérèse Laperche, par la suite, va avoir l'ambition de continuer cette carrière. Il faut imaginer une femme très forte qui a vraiment décidé qu'elle serait artiste dans une période où il est très difficile pour les femmes de l'être. Alors, par un entregent vraiment sans égal, elle va réussir à se faufiler dans tous les milieux qui vont aider à son développement artistique. D'abord, en allant travailler à Ménard, Cochin lui ouvre les portes du parc pour pouvoir copier les sculptures, tout simplement parce qu'une femme ne peut pas copier d'après le nu, et il est évidemment indispensable de copier d'après le nu pour comprendre comment le corps est fait, un élément essentiel pour tout artiste. Eh bien, Maline, elle va aller donc copier des sculptures pour apprendre ses rudiments. Et en 1778, elle franchit le cap, elle part à Paris avec son fils et son mari, et va rentrer dans l'atelier d'Elisabeth Vigée-Lebrun. Alors pour ça, elle trouve la meilleure des solutions, elle s'installe juste à côté de son atelier, rue de Cléry, pour tisser des réseaux, et des réseaux dans les milieux notamment aristocratiques qui vont devenir son terrain pour développer son talent et des commandes. Et c'est à ce moment-là que le nom de la perche va apparaître. Il s'agissait initialement d'une erreur. Le père de Jean-Marie de la perche, Jean-Baptiste la perche, avait fait l'objet d'une erreur dans son acte de naissance et le nom de la perche avait été inscrit de manière totalement erronée. Et par la suite, Thérèse voit évidemment un intérêt à rajouter cette particule à sa signature, qui en 1791 devient légèrement gênante, et elle va revenir à Thérèse Laperche, avant de regagner ce de Laperche en 1813 pour le mariage de son fils avec la fille du maire de La Roche-Guyon, où Constant, le frère de Jean-Marie, est installé au service des Rohan-Chabot. Olivia Voisin, nous aimons cette relation entre une mère artiste qui mène en fait la famille et qui arrive à construire un réseau avec des aristocrates, parce qu'il faut bien travailler pour ceux qui ont de l'argent, pour ceux qui font les commandes. Je vous propose d'écouter les conseils de peinture de Thérèse de Laperche à son fils. Oui, la maman conseille son fils. Une lecture par Anne Genataz. Il n'y a point de meilleur maître que la nature. Copiez-la fidèlement et vous ferez des merveilles. Plus les objets s'éloignent, et plus ils diminuent et perdent des couleurs. Posez toujours votre modèle plus haut que vous, et en ce cas-là, vous ferez les lignes tournantes comme cela, plus ou moins comme vous le verrez dans la nature. Avant que d'ébaucher, faites de grandes hachures éloignées l'une de l'autre, avec de l'ocre jaune plus ou moins légèrement, selon le teint de la personne. Sous les touches et les ombres, égrenez du carmin pur plus ou moins légèrement. Ne mettez point de vert, il n'y en a point dans la nature, mais plutôt des tons bleuâtres pour les demi-teintes légères, les secondes demi-teintes et celles qui sont les plus ombrées tirant sur le violet. Dans les plus grandes ombres, vous y ajouterez des bruns carminés rarement et très peu de vert pourri. Les carnations, même les couleurs des joues, tirent plutôt sur le vermillon que sur le carmin. Vous prendrez deux ou trois crayons, des dégradations de chaque teinte, et vous ébaucherez en mettant des jaunes de Naples ou des ocres jaunes clairs. Oui, monsieur, j'ai toujours désiré votre avancement dans la peinture, et c'est pour votre propre satisfaction. Aussi, je vous assure que rien ne me ferait plus de plaisir que de savoir quelque jour que mes conseils ne vous ont pas été tout à fait inutiles. Il ne dépend que de vous, monsieur, je vous en prie. Comme de me croire. Anne Genataz qui nous lit les conseils de peinture de Thérèse de Laperche à son fils dans le cours de l'histoire sur France Culture. Olivia Voisin. Thérèse de Laperche est une femme qui œuvre sous l'Ancien Régime à un genre qui est évidemment conduit à une forme de succès, celui du portrait, parce que sans photographie, les gens ont donc ce moyen-là pour se faire représenter. Et comme elle est bonne portraitiste, évidemment, les commandes affluent. C'est une artiste, voilà, qui vit de son art sans souci et qui veut que ses enfants suivent sa voie. Exactement, et elle va probablement être la première professeure de son fils Jean-Marie, puis de son fils Constant, qui va naître en 1780. Et il faut imaginer que Jean-Marie, qui va entrer dans l'atelier de David en 1788, il a 17 ans, s'est sans doute formé auprès de sa mère, et de manière assez empirique. Thérèse Laperche est issue d'un milieu social très modeste, et par le biais du pastel et de son pinceau, elle va hisser la famille dans l'échelle sociale, donc en choisissant bien évidemment ses modèles, mais également en s'insérant dans un réseau artistique qui est en train de se tisser, qui est mal connu, puisque pour être artiste femme, il faut accepter de travailler en dehors du réseau de l'académie. Seules 4 femmes sont acceptées à l'académie et donc peuvent exposer au salon. Pour les autres, il faut évoluer dans des réseaux amicaux, des cercles de sociabilité, et c'est ce qu'elle va faire. Et elle va transmettre à son fils tous ses acquis. Alors, on voit à quel point elle est maligne. En arrivant à Paris, donc elle s'installe près d'Elisabeth Vigée-Lebrun, qui est une de ses 4 artistes à être acceptée à l'Académie. Mais elle va également profiter de l'enseignement de Greuze, qui est alors le seul artiste à accepter les femmes dans son atelier. Et la première chose qu'elle va faire, c'est transmettre les informations à son fils Jean-Marie dans une lettre d'autant plus précieuse qu'elle est une des rares que nous connaissions d'elle et qui est conservée chez les descendants. Dites Olivia Voisin, donc le jeune Jean-Marie évolue dans l'atelier de sa maman. Alors tout à fait, il faut l'imaginer grandissant dans cet univers intellectuel, avec une mère qui va chercher auprès des grands peintres de l'époque à récupérer finalement un enseignement qui est normalement interdit aux femmes. Alors elle va chez Greuze pour apprendre à réaliser un portrait, elle va tout de suite apprendre, transmettre à son fils les informations obtenues. Donc c'est un des rares documents que nous conservions de Thérèse Laperche. Et évidemment, il est crucial pour l'histoire de l'art, puisqu'on ne sait pas du tout ce qui est enseigné dans les ateliers. C'est une transmission orale qui a disparu. Et donc ce document des conseils est vraiment très important pour comprendre comment Jean-Marie de Laperche a pu se former lui-même dans une forme d'oralité. Et puis il faut l'imaginer à quatre pattes, peut-être dans l'atelier de sa mère, pendant qu'elle réalise un portrait, lui en train de copier des gravures qui se trouvent dans des cartons. Alors nous savons que Thérèse Laperche avait une collection assez importante d'estampes, et très naturellement, hein, elle a dû se former en copiant des estampes et inciter son fils à faire de même. C'est comme ça que l'on acquiert le dessin, que l'on acquiert le sens de la composition, mais également pour le jeune Jean-Marie, que l'on acquiert une sensibilité à ces nuances de blanc, de noir, de gris, qui vont vraiment être sa marque de fabrique, si l'on en croit les 91 dessins du Fonds d'Orléans, qui témoignent d'une capacité à penser finalement comme un graveur. Pour lui, le noir et le blanc sont des couleurs. Il arrive à transmettre énormément d'informations en restant dans une monochromie, comme dans une gravure finalement. Olivia Voisin, Jean-Marie de Laperche se tourne vers un peintre, David, déjà peintre célèbre. Alors nous sommes à la veille de la Révolution, mais ça, personne n'imagine encore que la Révolution va avoir lieu. David est déjà un peintre reconnu parce que il propose une orientation de l'art particulier, c'est le classicisme, c'est ce David que nous connaissons bien, celui du serment des Horaces, c'est les grands formats du Louvre. Voilà, il est le peintre moderne finalement. Il va attirer dans son atelier, qui est encore un jeune atelier, tous les peintres désireux de faire partie de cette modernité. Il faut avoir à l'esprit qu'à ce moment-là, on ne veut plus de rococo. Et en apportant ce néoclassicisme, David va amener plus loin que Suvé, que Lagrenet, tous ces peintres en vogue dans les années 1770-80, il va apporter un nouveau goût, beaucoup plus radical, qui va être le néoclassicisme, avec une prédilection pour les exemples de vertu, qui vont être très importants par la suite sous la Révolution, des sujets romains, finalement, antiques, qui vont constituer tout le bagage du jeune Jean-Marie, qui va être bercé à partir de 1788 par cet enseignement. Donc on sait qu'il entre dans l'atelier de Jacques-Louis David en septembre 1788 et va le quitter en septembre 1791, période absolument cruciale, d'autant plus lorsqu'on sait que David va être très impliqué dans la Révolution, va être une des personnalités vraiment phares de la Révolution, tandis que le jeune Jean-Marie semble continuer de montrer une prédilection pour la famille royale. Il est tout à fait royaliste et d'une famille royaliste. Olivia Voisin, je vous propose justement d'aller dans l'atelier de David à travers le film Danton d'Andrzej Wajda en 1983 où un aide d'atelier accueille pas n'importe quel personnage, il accueille Robespierre qui rend visite à David dans son atelier. Non, cela n'a pas de sens. Et des épis tout simplement. Il y aura des fruits partout. Plusieurs charrettes d'oliviers viendront d'Avignon. Il faut souligner la paix, le bonheur, la sérénité. C'est la fête de l'être suprême. David, quand auras-tu terminé ce serment du jeu de paume ? Mais Fabre n'était pas là. Voyons, Maxime. Je t'assure qu'il était sur la liste ? Je te dis qu'il n'était pas là. D'ailleurs, il a trahi. Enlève-le. Un extrait du film Danton où Robespierre se trouve dans l'atelier de David. Alors, à ce moment-là, c'est vrai que Jean-Marie de Laperche n'est plus aux côtés de David. Pourtant, il y a quelque chose, c'est vrai, qui nous interpelle. Se dire que Jean-Marie de Laperche est élève dans l'atelier de David dans ses premières années de la Révolution française, là où David fait des choix révolutionnaires très marqués. Et lui, ce Jean-Marie de Laperche est royaliste. Comment vit-il ce moment ? Est-ce qu'il est possible pour l'historien, l'historienne de l'art, de voir à travers des œuvres, à travers des indices, comment Jean-Marie de Laperche a pu vivre ce moment ? Alors ce n'est pas l'unique paradoxe de la carrière de Jean-Marie de Laperche. Il devait d'abord être fasciné par le peintre. Et puis il faut une fois de plus garder à l'esprit qu'il est chez David en même temps que Girodet, en même temps que tous les grands peintres, que Gros. Et il fait partie de la bonne génération des élèves de David. Donc la fascination artistique doit primer dans ces moments-là. Il est très difficile de comprendre comment il envisage sa place de peintre et sa place de citoyen dans ces années-là. Sa mère elle-même va montrer quelques paradoxes. Elle est elle-même très royaliste, mais en 1791, comme de nombreux royalistes, elle va donner l'impression d'adhérer aux idées nouvelles, notamment en se séparant de biens de son mari. Et puis quand son mari est finalement arrêté en 1793, elle va tout faire pour le faire libérer. Et à ce moment-là apparaît dans son œuvre des portraits de révolutionnaires. Donc on comprend qu'elle elle est assez fine pour côtoyer ces réseaux. Elle réalise le portrait de la première femme de Marat et va comme cela s'insérer dans des milieux révolutionnaires qui semblent tout à fait éloignés de ses préoccupations. Donc je dirais que les De La Perche ont cette particularité de savoir être toujours là où il faut, quand bien même ils sont exactement là où il ne faut pas être quand on veut avoir une vie calme, comme Jean-Marie de La Perche dit très souvent vouloir imaginer sa vie. Il faut toujours se rappeler que l'histoire culturelle se mêle à l'histoire sociale. Un artiste a besoin de manger, de payer son loyer, il faut vivre. Et pour Thérèse de La Perche, et puis pour son fils également, le marché n'est plus le même. Eux qui étaient portraitistes à destination des aristocrates n'ont plus leur clientèle. Les nobles émigrent sous la Révolution, le champ artistique est complètement modifié, le marché de l'art n'est plus le même. Donc il faut trouver aussi une nouvelle voie. Il faut trouver une nouvelle voie. Là où Thérèse Laperche aurait eu sa place, c'est finalement qu'en 1791, le salon est ouvert à tous et elle en profite immédiatement. Elle expose 4 portraits cette année-là et c'est probablement comme cela qu'elle se fait connaître. Néanmoins, elle comprend qu'il est plus favorable de partir, notamment après l'arrestation de son mari, et c'est à Reims, auprès des Ruinards notamment, qu'elle va aller travailler pendant ces années de la Révolution avec son très jeune fils Constant, qui est encore un jeune adolescent et qui n'entrera dans l'atelier de David qu'à son retour en 1799. Olivia Voisin, sait-on pourquoi le père de Jean-Marie de La Perche a été inquiété? Parce que là aussi, nous avons un événement, un fait, quelque chose de factuel dans une biographie. Il est parfois difficile de trouver le sens d'une arrestation sous la Révolution française. Il est très difficile de comprendre cette arrestation. Sans doute a-t-il été dénoncé. En tout cas, il y a un avantage pour nous, c'est que ces biens sont sur le point d'être saisis. Et Thérèse Laperche va organiser leur vente en disant qu'elle veut récupérer sa dot. Et une vente aux enchères a lieu. Elle va tout racheter, pièce après pièce, ce qui montre là aussi le stratagème pour sauver les biens de la famille, ce qui nous permet de savoir exactement ce qu'ils avaient chez eux. Et l'ascension sociale, finalement, qu'ils ont pu connaître dans les dernières années de l'Ancien Régime, puisque nous sommes chez un couple de bourgeois bien installés et visiblement assez prospères. Donc c'est dans cet univers-là que Jean-Marie de La Perche va se développer. Et pourtant, il va rester lui-même dans l'ombre, puisqu'il ne participe pas au salon. Il ne figure dans aucune des grandes collections de l'époque. Et les deux seuls dessins que nous connaissions de lui des années 1790 montrent pourtant un artiste extrêmement doué, qui fait partie des meilleurs de sa génération, qui pourrait être finalement confondu aujourd'hui avec des artistes alors en vogue, comme Tenet, comme Debucourt, qui apprécient des scènes de rue, des scènes de genre très, très spirituelles. Eh bien, il est dans ce genre-là, et pourtant, il va rester dans l'ombre, ou en tout cas tenter de rester dans l'ombre, sans doute pour des raisons politiques. Il faut imaginer qu'il a vu son père emprisonné pendant un an. C'est quelque chose de très, très violent à vivre pour un jeune adulte comme lui. Et peut-être pour protéger sa famille, il va perdre sa première femme dans ce contexte-là. Il va commencer à tenter de disparaître d'un marché qui peut-être ne lui est pas propice. Et là commence la grande énigme de La Perche. Pour qui travaille-t-il? Et c'est finalement l'énigme de sa vie, puisqu'il vit de son art jusqu'à sa mort, dans tous les pays qu'il traverse, et pourtant il ne laisse aucune trace et ne signe jamais. Oui, ça c'est vraiment le mystère de La Perche. D'ailleurs, nous le voyons dans l'exposition au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Jean-Marie de La Perche, un artiste face aux tourments de l'histoire. Il y a toute une partie, cette évocation du mystère de cet artiste qui ne signe pas ses œuvres. Alors il y a une raison, signer une œuvre, c'est quelque chose de fort. Ne pas la signer veut dire également quelque chose. Pourquoi ne pas signer ses œuvres? C'est l'acte le plus anti-commercial qui soit, puisque la signature a aussi vocation à faire connaître l'auteur d'un tableau. et notamment comme quand Jean-Marie Delaperche, on cherche à s'insérer dans un marché autre que celui du salon, enfin avoir des commanditaires, eh bien, on a tout intérêt à faire connaître son nom. Donc il y a là un des grands mystères qui sans doute doit se comprendre à travers son frère, à travers les choix de carrière de son frère. Ce sont deux jeunes peintres qui ont été bercés sans doute dans l'idée que l'idéal de l'artiste est d'avoir un protecteur qui leur permette de travailler sereinement. C'est une vision très ancien régime que Constant Delaperche, donc le cadet, va pouvoir réaliser d'abord en travaillant pour la famille Ruinart, comme représentant de commerce, mais finalement, quand on regarde la correspondance entre le peintre et son patron, on comprend qu'il n'est pas que voyageur, il est avant tout artiste de la famille. Et puis à partir de 1804, pour les Rouen-Chabot, il va devenir l'artiste de la famille et de toutes les branches cousines et amies jusqu'à la duchesse de Berry. Donc cet idéal d'une famille qui va protéger et commander sans cesse à l'artiste, en revanche Jean-Marie ne l'assouvit pas totalement puisqu'il va toujours être en quête de cette protection, de ces familles aristocratiques qu'il va partiellement trouver en Russie en travaillant pour les Venevitinov qui sont des cousins de Pouchkine, mais jamais totalement en France. À moins que finalement, ce soit là le grand mystère de la perche, qui nous reste encore à découvrir, en Normandie peut-être, des familles qui ont protégé Jean-Marie, ce qui justifie qu'il ne signe pas, puisque finalement, c'est l'œuvre qui compte et pas sa signature. Voilà, l'œuvre qui compte et pas sa signature de Jean-Marie de la perche. Celui qui nous intéresse, ce peintre mystérieux dans le cours de l'histoire sur France Culture, Jean-Marie de la perche, un peintre paradoxal, un royaliste sous la Révolution française, un artiste qui veut servir les aristocrates au moment où le marché de l'art est en plein chamboulement. Jean-Marie Delaperche, né à Orléans, exposé à Orléans, et bien justement en clin d'œil à cette ville, je vous propose d'écouter David Crosby. Et David Crosby qui chante Orléans, c'est une visite nouvelle du Carillon de Vendôme, une comptine française du 15e siècle. France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. David Crosby, Orléans, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à un artiste oublié, longtemps oublié, mais redécouvert aujourd'hui, Jean-Marie Delaperche, avec vous, Olivia Voisin. Jean-Marie Delaperche traverse la Révolution française, alors de manière assez mystérieuse, avec sans doute des soutiens, des commanditaires. C'est un artiste qui ne laisse pas de traces évidentes, dans le sens où il ne signe pas ses œuvres. Pourtant, le contexte politique a une influence sur sa vie, sur sa carrière. Comment traverse-t-il la Révolution, ou en tout cas, comment essaye-t-il de la traverser? Quel échappatoire, quel espace nouveau s'offre à lui? Alors cet espace, ça va être clairement la Russie. En 1805, il prend la décision de quitter la France, qui politiquement ne lui offre aucune perspective, et de partir sans doute aidé par une famille aristocratique française ou russe, il part à Moscou pour y trouver cette vie sereine à laquelle il aspire avec sa femme et ses enfants. Et finalement, il est rattrapé par les événements, puisque en 1812, la prise de Moscou, l'incendie de Moscou, qui va sans doute détruire son atelier, va également lui prendre ses deux fils aînés, qui vont mourir dans la Grande Armée. Et il va nourrir une haine féroce à l'égard de Napoléon, comme il le montre dans ses feuilles les plus spectaculaires qui sont présentées dans l'exposition, des feuilles de très grand format qui montrent vraiment un choc des titans. Il faut imaginer Napoléon d'un côté, emportant avec lui les forces de l'ombre, la mort qui jette son grand voile sur le monde, face à Louis XVIII qui porte les valeurs de la justice et de la religion, face à lui, donc ce choc des titans, eh bien, il va raconter au dos des feuilles absolument tous ses sentiments et tout ce qu'il découvre, enfin toutes les informations qui lui arrivent en Russie. Ce sont des documents artistiques de premier plan, mais également historique de premier plan, puisque on a le regard d'un Français exilé en Russie qui relate toutes les émotions qui peuvent le traverser lorsqu'il apprend d'abord la chute de Napoléon, puis le retour pendant les 100 jours, et enfin la défaite finale qui va pouvoir rétablir la restauration. Eh bien justement, nous restons au moment de cette défaite finale au Waterloo. Nous restons en 1815 pour une lecture par Julien Cigagna d'un texte de Delaperche qui explique ce qu'est pour lui un tableau historique. Koursk, Pâques 1815. J'ai toujours pensé qu'un tableau historique était une espèce de poème et non pas une gazette. Il est accordé la même liberté au peintre qu'au poète. Je n'ai donc pas dû représenter ce fait avec tous les détails qui l'ont accompagné. Affreux par lui-même, il est malheureux qu'il ne soit que trop vrai. J'ai dû représenter les grands intérêts, mettre en jeu les grandes passions, les oppositions de sentiments de tout un peuple, enfin, offrir les antithèses de choses remarquables dans cette catastrophe douloureuse pour tout bon Français. Je passe sous silence, et des intrigues ourdies, et des cris d'une ville populace qui ne sont pas l'expression de toute une nation qui, lors même de ce déshonneur public, renfermait encore dans son sein quantité de gens qui gémissaient en silence, pour eux, pour l'État, pour le roi. C'est ce sentiment de tout un peuple, consterné, effrayé, interdit, que j'ai voulu peindre. Et l'émotion que j'eusse éprouvée moi-même, si j'eusse eu le malheur d'être témoin de ce grand et déplorable événement. Julien Cigagna qui nous lit dans le cours de l'histoire cette vision qu'a Jean-Marie Delaperche de ce qu'est un tableau historique et poétique. Nous voyons bien que Jean-Marie Delaperche, évidemment, est sensible aux événements qui l'entourent, mais comment ne pourrait pas on l'être dans cette période incroyable qu'est la Révolution puis l'Empire? Il a une volonté alors d'évoquer les événements, mais peut-on parler d'une démarche politique, Olivia Voisin? Alors, politique, il l'est à sa façon, très intérieurement. Et paradoxalement, ce que nous connaissons de son œuvre ne trahit pas tant que ça ses opinions politiques. À l'exception de tout cet ensemble de feuilles, qui est vraiment le cœur de sa production, le cœur de son génie, qui, là, montre clairement des aspirations qui vont rester les siennes par la suite. Alors, ce Jean-Marie Delaperche aussi va démontrer une autre chose, c'est un goût pour tout ce qu'on ne connaît pas en France. Et c'est ce qui finalement caractérise son art, le rend très très singulier. Il y a d'abord la démarche politique et ensuite la démarche esthétique, très influencée par l'art anglais, qui est alors très peu connu en France. La séparation entre les pays est très claire et on ne découvrira que dans les années 1820 toute la production anglaise. Eh bien, pour sa part, il a certainement été également biberonné avec cette culture par le biais de sa mère, qui va être une grande admiratrice de Angelika Kauffmann, peintre suisse qui a été fondatrice en 1768 de la Royal Academy à Londres. Et à travers les estampes, il découvre tout cet art qui va nourrir sa création. Et finalement, ce Delaperche, élève de David, royaliste, fait figure d'un des premiers romantiques dans le panorama de l'art français. Premier romantique dans ces années 1815, en même temps que Giraudet, en même temps que Gros. Et c'est là que tout ce contexte de l'atelier de David reprend corps, à l'autre bout du monde, en Russie. En Russie, où Jean-Marie Delaperche trouve une clientèle, il retrouve en fait ce monde aristocratique qu'il avait connu sous l'Ancien Régime en France, qui est le monde dans lequel il veut évoluer, dans lequel il veut faire carrière. Il veut faire le portrait de tous ces gens. Et c'est vrai qu'en Russie, avec l'anglophilie qui est présente, il va trouver de quoi épanouir son art. Exactement, à travers le portrait et puis également à travers des scènes d'histoire. Et notamment, il va en 1815, il faut imaginer qu'il vient de perdre ses deux fils en 1812, il est absolument détruit, ses dessins en témoignent, hein, ils sont le meilleur reflet de son âme. En 1814, sa mère, qui a joué un rôle absolument crucial dans sa vie, va décéder à La Roche-Guyon chez les Rouen-Chabot. Et alors que son dernier fils est rentré en France et qu'il est vraiment seul avec sa femme, il va rentrer au service des Venivitinov, famille aristocratique moscovite, cousine des Pouchkine. Donc on est dans un niveau aussi culturel très, très important. Et il va devenir le précepteur de ces trois jeunes enfants, précepteur mais également certainement professeur de dessin. Et finalement, une partie des œuvres que nous conservons aujourd'hui de Delaperche pourrait être identifiés comme presque des supports de cours de grand luxe pour enseigner la littérature, pour enseigner l'histoire antique, pour enseigner également les valeurs morales qui lui sont chères. Et ces valeurs morales, on les comprend, elles sont politiques, certes, mais elles sont surtout dans la liberté des artistes de créer tel qu'il le souhaite. Et c'est là que l'Ancien Régime va apparaître comme un monde idéal à ses yeux, où l'artiste était beaucoup plus libre, il n'était pas soumis à la critique qui va se développer à partir de la Révolution et qui fait les carrières ou les défaits. Et lui qui refuse de se lancer dans ce grand système marchand, dans ce grand système des salons, qui ne veut pas être courtisan tout simplement de la critique, va trouver dans cette vie près des Venivitinov un cadre idéal. Et ce qui est important, c'est que l'un des trois enfants, Dimitri Venivitinov, à 18 ans, va devenir un des principaux poètes russes, va fonder un club des amants de la sagesse, qui a une vie très éphémère, durant laquelle il va développer toutes les idées qui sont chères à Delaperche et va se suicider quelques années plus tard. Il va se suicider quelques années plus tard. Nous avons ici un geste presque romantique, hein. Le jeune Werther n'est pas loin. Nous sommes à un moment où c'est vrai que la peinture se libère en France du carcan imposé par Napoléon, qui contrôlait toute la production artistique, où tous les artistes, les ateliers d'artistes travaillaient pour le pouvoir ou pour les gens qui évoluaient autour du pouvoir. Après la chute de Napoléon, Jean-Marie Delaperche n'a pas la tentation de revenir en France, sans doute parce qu'il a trouvé en Russie ce qui lui convient, mais malgré tout, il revient en France plus tard, hein, au milieu des années 1820, 1824. Sait-on pourquoi Olivia Voisin, Jean-Marie Delaperche, revient en France? Alors, initialement, le voyage devait certainement être de courte durée. Ce qui le conduit en France, les archives nous le révèlent, c'est simplement l'inventaire après décès de ses deux fils, morts 12 ans plus tôt. Mais toutes ces démarches ont tardé. Et sans doute, lorsqu'il arrive en avril 1824, son frère, qui vient de prendre un atelier boutique, c'est un concept très très contemporain, c'est finalement l'ancêtre du concept store, qui est un nouveau projet dans l'hôtel du Retiro sur les Champs-Élysées. Il va l'inciter à peut-être essayer de faire des démarches en France pour trouver une clientèle. Et tous les deux, pour la première fois, vont exposer au salon en 1824. Alors c'est un échec. C'est un échec cuisant, puisque la plupart de leurs tableaux sont refusés. Donc on peut simplement penser qu'il s'agit de mauvais peintres et qu'ils n'ont pas leur place dans ce panorama de la peinture française. Simplement, un des tableaux envoyés par son frère, Constant, a été retrouvé chez les descendants, un portrait de ses enfants, et il s'agit probablement d'un des plus jolis portraits de la période. Un tableau qui aurait eu un succès fou, qui montre à la fois une maîtrise technique, une sensibilité. Et donc, Ce qui a pu nuire à ces deux frères, c'est finalement leurs accointances politiques et leur protection peut-être trop poussée dans une période où on ne fonctionne plus du tout comme cela. Il faut garder à l'esprit aussi que les Rouen-Chabot sont très présents pour jouer leur rôle de protecteur, peut-être jusqu'à l'épuisement pour les interlocuteurs qui entendent parler de la perche à longueur de temps et qui en ont assez de ces deux frères qui essaient, par des moyens peu conventionnels, de s'imposer dans le panorama de la peinture. Olivia Voisin, vous avez raison, il faut insister sur cette figure de Constant Delaperche, donc le frère de Jean-Marie. Constant Delaperche, lui aussi est artiste, lui aussi a été formé dans l'atelier de David, alors à un autre moment que son grand frère, il a été formé un peu plus tard, mais Constant Delaperche est également un artiste. Alors là aussi, connu, je peux pas dire reconnu. On sait que c'est un artiste actif dans la hiérarchie entre les deux frères, dans le concours entre les deux frères. Constant est un peu plus connu que Jean-Marie. Les deux sont totalement inconnus puisque comme son frère, il prend soin de ne jamais signer. Ce sont deux frères qui décident de disparaître de ce marché. Et paradoxalement, les choix qu'ils vont faire à partir de 1824 et jusqu'à leur mort en 1843 sont une fois de plus très audacieux et ils vont très très peu exposer au salon. Mais parallèlement, ils prennent part dans un nouveau marché de l'art qui se met en place, celui des galeries. Notamment la galerie Colbert, le musée Colbert, qui est tenu par Henri Gauguin, qui est un lieu de pionnier hein, pour découvrir la jeune génération romantique, hein, dont ils ne font pas partie, hein, ce sont des peintres d'un certain âge alors. Et ils vont commencer à travailler avec ce type de galerie, à exposer leurs œuvres eux-mêmes, finalement, à louer des murs pour montrer leur art, avec une forme d'indépendance extrêmement moderne. C'est-à-dire, tous leurs choix vont dans la même direction, c'est celle de fuir un système, de fuir la recherche de commandes par l'État et de se débrouiller par eux-mêmes. Et il est d'autant plus incompréhensible qu'ils ne signent pas, au moment où travailler de la sorte veut dire qu'on fasse connaître son nom par la signature. Qu'on fasse reconnaître. Et ils vont faire ça à Paris, mais également ailleurs en France, puisqu'on va suivre Jean-Marie à travers des lettres conservées dans la famille, hein, notamment en 1830 à Saint-Malo, il va écrire à son frère en disant qu'il a beaucoup de travail. Et puis on le retrouve en 1836 à Limoges, en 1839 au Mans, passant des petites annonces dans la presse en disant « Jean-Marie de la Perche, portraitiste reconnu pour la ressemblance de ses portraits, vous reçoit dans son atelier. » Et donc, on le voit comme cela évoluer un petit peu partout en France et, comme il le dit dans une lettre, cherchant un lieu où s'installer et vivre paisiblement. Et finalement, cet artiste qui aspire à la paix n'est jamais aussi productif, aussi génial que dans le tourment, comme il le démontre dans tous les dessins d'Orléans. Et puis, dans la réalité de son quotidien également, Olivia Voisin, vous citez ces lettres de Jean-Marie de la Perche. Eh bien, je vous propose la lecture d'une lettre de Jean-Marie à son frère Constant. Elle date du 25 octobre 1830. Elle est écrite depuis Saint-Malo et elle nous est lue par Olivier Martineau. Mon cher ami, je pense toujours à toi. Et vraiment, je ferais bien de ne pas t'écrire, car mes idées sont tristes. Et tout en faisant des vœux pour toi et ta famille, je cherche et ne trouve pas en moi parcelle d'idées gaies et ombre de consolation raisonnable. Partout, hélas, la même cause me poursuivra et me sera fatale. L'état souffrant du commerce et la préoccupation des esprits pour toute autre chose que les arts. Que ne suis-je pas cordonnier ou marmiton jusqu'à nouvel ordre? Si je cédais à la voix de mon cœur, j'irais près de vous, vous serrez tous dans mes bras et reprendre de la force en vous embrassant comme je vous aime. Mais hélas, je suis forcé de compter, et par conséquent de me refuser jusqu'au plaisir que j'aurai d'être avec vous. J'épargne ce qui me serait si doux, mais qui absorberait du temps et de l'argent, lorsque j'ai tant besoin de l'un pour venir à bout, en dépit des circonstances de conquérir l'autre. De l'argent, de l'argent. Nécessité tyrannique à laquelle nous sommes réduits. Voilà ce que je nous souhaite. Cela seul nous manque pour être heureux. Olivier Martineau qui nous lit dans le cours de l'histoire sur France Culture une lettre de Jean-Marie de la Perche à son frère Constant en 1830. Dites-nous, Olivia Voisin, cet artiste, bon portraitiste, qui espère vraiment, non pas faire fortune, hein, mais vivre de son art, a quand même des difficultés dans les années 1830. Là encore, un chaos politique, nous sommes en 1830, la Restauration n'est plus, c'est la monarchie de Juillet. Et pour Jean-Marie de la Perche, les choses ne se passent pas bien. Les choses se sont probablement toujours mal passées. Quand on construit sa carrière comme il l'a fait, on ne peut pas rencontrer le succès. Mais il a, sans le savoir, sans le réaliser réellement, construit cette image de l'artiste maudit. Dans une autre lettre, il dit à son frère, en 1831, qu'il espère aller voir avec lui au salon toute cette jeune génération romantique, qu'il faut voir plusieurs fois pour habituer son œil, mais tout en restant classique quand on a l'honneur de l'être. Finalement, il y a une chose qu'il n'a pas comprise, c'est qu'il est lui-même un des plus importants romantiques français. Par sa peinture, certes, mais également par sa psychologie. par ce goût finalement de l'échec qu'il nourrit. Et on le comprend dans ses lettres, les quelques lettres que nous connaissons, c'est un être extrêmement pessimiste. C'est un écorché vif qui a été abîmé par la vie. Mais cette vie a construit aussi ce génie créatif. Et il va comme cela construire un mythe de l'artiste qui, d'ailleurs, quelques années plus tard, va mourir avec 120 francs en poche. À l'âge de 72 ans, Jean-Marie Delaperche est d'une pauvreté extrême. Oui, Jean-Marie Delaperche qui décède en 1843 avec 128 francs. C'est sûr que ce n'est pas beaucoup, hein, quand on sait qu'un bon ouvrier, un artisan gagne quoi. 3-4 francs par jour au mieux, donc c'est vraiment rien. Il décède sans fortune. Ses œuvres sont difficiles à identifier vu qu'il ne les signe pas. Heureusement qu'il en a signé une sur ses dessins que vous avez retrouvé, Olivia Voisin, que l'on vous a proposé et qui permet de reconstruire en fait un personnage. Je pense que c'est assez rare dans l'histoire de l'art ou dans le travail d'un commissaire, d'une commissaire d'exposition, de reconstruire une vie d'artiste en partant presque de rien, de tout reconstruire. Ça a dû être passionnant comme démarche pour cette exposition à Orléans. C'est une démarche qui nourrit finalement le travail du conservateur. Hein, c'est un rêve qui voit le jour une fois par siècle. Au XXe siècle, c'est Georges de la Tour qui a été révélé dans l'exposition des peintres de la réalité. Eh bien, au XXIe siècle, c'est Jean-Marie Delaperche. Des artistes comme cela qui disparaissent totalement des radars, c'est finalement pas un poncif, parce qu'il en a pas mille, mais il en a quelques-uns, et c'est finalement toute la joie de l'histoire de l'art, c'est la joie de la peinture, de découvrir parfois que les réseaux officiels, qui sont ceux que l'on connaît le mieux, ne sont pas tout dans la production artistique d'une époque, et qu'il y aura toujours des artistes qui font des choix peu conventionnels et qui travaillent dans l'ombre, et que finalement on redécouvre des années, des siècles plus tard, pour le plus grand bonheur des contemporains que nous sommes. Et l'exposition au Musée d'Orléans a été chamboulée hein, à cause du confinement, mais elle est visible parce que, chance, le confinement s'est arrêté, le musée va rouvrir et puis surtout l'exposition est prolongée. Merci beaucoup à vous, Olivia Voisin, de nous avoir présenté Jean-Marie Delaperche. Merci. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane Viudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijade, et une émission dont la programmation est assurée par Amélie Perrault. Demain, le film historique ou la revanche du décor. Et oui, le décor sert à porter le récit de l'histoire au cinéma et dès lors, eh bien, il façonne nos représentations de l'histoire. Et la semaine prochaine, nous vous préparons une série consacrée au Conseil National de la Résistance. À la Résistance, oui, où sont passés les jours heureux. À demain.